Alors, X-Files, c'est la série qui m'a fait passer des soirées d'épouvante avec ma petite sœur, mais que j'en ai adoré. On regardait ça quand les parents étaient sortis. On allait se coucher après avoir regardé deux, trois épisodes. On était mortes de trouille, on devait dormir ensemble dans la même chambre et à la moindre bruit dans la maison, parce qu'on avait une vieille maison qui craquait de partout, c'était l'enfer et on n'arrivait pas à dormir. Voilà, histoire de jeunesse. Ça m'a rappelé plein de trucs. Ça m'a rappelé qu'il y avait des épisodes trop bien. Il y en avait un qui était écrit par Stephen King. Il y en avait un qui m'avait choqué, qui s'appelait La Meute, avec des frères consanguins qui avaient leur maman sur un skateboard rangé sous le lit. Elle avait pas de bras, pas de jambes, et ils lui faisaient des gosses. Et ensuite, ils les enterraient dans le jardin. Enfin bref, j'ai envie de tous me les refaire parce que c'était top. C'est en cherchant un raccourci qu'il n'a jamais trouvé que David Vincent se perdit et le trouva au bout du chemin. Oui, lui, Vox Mulder. Salut Blockbuster, je viens d'écouter en podcast votre émission sur X-Files qui était super comme toutes vos émissions. Par contre, vos invités ont remercié Télérama qui avait dit du bien d'X-Files. Sauf que moi, ma mère ne me laissait regarder que les épisodes qui avaient un ou plusieurs T dans Télérama. Les autres, j'avais pas le droit de les regarder. Merci Télérama. Depuis que j'ai écouté l'émission tout à l'heure sur X-Files, j'ose plus aller aux toilettes. Je me suis rappelé de cet horrible épisode où il y avait le monstre là qui passait par tous les conduits et notamment celui des cabinets. À l'époque, pendant des semaines, je n'osais plus m'asseoir. C'était horrible, j'avais peur de le voir surgir. Et là, voilà, grâce à vous, ou plutôt à cause de vous, j'ai de nouveau les pétoches. Oui, bonjour Blockbuster, je m'appelle Emmanuel. Je suis à l'heure actuelle dans le sud-est de la France. Moi, je profite de quelques jours de vacances pour écouter votre émission. Je suis ravi que le service public puisse parler librement aussi bien de Whitney Houston à X-Files en passant par Tintin ou Tarantino. Voilà, je ne vais pas tarder à aller à Biarritz où j'espère ne pas rencontrer d'aliens. Faut d'ailleurs que j'en parle à Donald. Allez, à bientôt. Je vais vous dire, les films qui traitent d'extraterrestres sont avant tout des films qui parlent d'immigration. Alien en anglais, ça désigne aussi bien un extraterrestre qu'un étranger. Et la racine latine du verbe aliéner vient d'alienus qui signifie ce qui appartient à un autre. Parler d'alien, c'est parler d'une rencontre avec l'autre. Prenez E.T., l'extraterrestre de Steven Spielberg. Ce film nous interroge sur notre propre rapport à l'hospitalité. D'un côté, il y a le petit Elliot qui décide d'aider clandestinement un extraterrestre en transit sur notre planète. De l'autre, le gouvernement le pourchasse dans le but évident de le disséquer et pourquoi pas l'exploiter. Elliot, c'est le Cédric Héroux de Steven Spielberg. Quelqu'un qui voit en l'alien non pas un envahisseur, mais une extension de nous-mêmes. Le alien de Ridley Scott avec son look cauchemardesque, sa mâchoire à gueule rétractile, ses veines remplies d'acide, la machine à tuer ultime, cet alien-là, c'est l'incarnation de toutes nos peurs liées à l'étranger. Le plus terrifiant, c'est qu'il peut se cacher en nous à notre insu. Pour Ridley Scott, James Cameron ou David Fincher, nous pouvons tous devenir des aliens potentiels. Et c'est bien ça le plus angoissant dans cette vision de l'alien. Ce n'est pas seulement qu'il cherche à se débarrasser de l'humanité, mais surtout qu'il cherche à la transformer. Alien, c'est un film sur la peur du grand remplacement. E.T. et Alien sont nos deux fantasmes sur l'étranger. L'étranger qu'il faut aider ou l'étranger qu'il faut craindre. E.T. a eu droit à un seul film. Alien en a eu 8. Entre deux visions de l'immigré, Hollywood a choisi depuis longtemps. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglis. Dernier rapport du véhicule commercial Nostromo. Troisième officier au rapport. Les autres membres de l'équipage. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Et le capitaine Dallas sont morts. La cargaison et l'appareil détruits. Je devrais atteindre la frontière dans moins de 6 semaines. Avec de la chance, le réseau devrait me repérer. Ici Ripley, dernier survivant du Nostromo. Terminé. En 1979, sort sur les écrans français un film qui révolutionnera autant le cinéma de science-fiction que le cinéma d'horreur. Son nom, Alien, le huitième passager. L'histoire de ce film est la suivante. Dans le futur, le vaisseau commercial, le Nostromo, une sorte d'énorme tanker de l'espace, est sur le chemin du retour, ses soutes remplies de minerais qu'on imagine indispensables pour la Terre du futur. Son équipage est uniquement composé d'ouvriers. Des cols bleus, des hommes et des femmes qui attendent de rentrer chez eux une fois leur tâche effectuée. Pour des raisons inexpliquées, le vaisseau doit opérer un arrêt sur une planète inconnue. Lors du repérage sur cette dernière, une étrange créature saute au visage d'un membre de l'équipage. C'est alors le point de départ d'une plongée terriblement angoissante dans l'univers d'Alien. Pour revenir sur cette saga culte de science-fiction, j'ai avec moi Célia Sauvage, bonjour. Salut. Vous êtes docteur en études cinématographiques et audiovisuelles et chargée d'enseignement à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et spécialiste de la représentation du genre féminin dans les blockbusters. C'est ça. Avec nous également Nicolas Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et producteur de l'émission La méthode scientifique sur France Culture. Absolument. Et enfin, mon ami, co-animateur quasiment non officiel de l'émission, Dedo, auteur, comédien, humoriste et co-créateur du programme L'Histoire racontée par des chaussettes que l'on peut retrouver sur YouTube et également auteur du feuilleton de l'été, L'Histoire des bips, sur Twitter. Je vous invite à aller lire son histoire. Bonjour Dedo. Bonjour, je ne préfère pas en parler. Ensemble, on reviendra sur la création de la saga Alien et notamment sur cette créature terrifiante imaginée par H.R. Giger. On parlera bien évidemment de cette icône féministe qu'est Ellen Ripley et de son interprète Sigourney Weaver. On tentera de comprendre ce qui a distingué ce film de la multitude des films d'extraterrestres. On parlera de mise en scène, de l'importance du hors-champ et de ce que l'on ne montre pas. Et par là, on analysera l'évolution de cette saga symptomatique de l'évolution du cinéma de science-fiction hollywoodien. Blockbuster consacré à la saga Alien, c'est parti et n'oubliez pas, dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Ok Ripley, je suis devant le sas de sécurité. D'accord. Oui. Nous sommes décontaminés, laissez-moi en fait. Qu'est-ce qui est arrivé à Kane? Quelque chose s'est accroché à l'huile, vous l'emmenez immédiatement à l'infirmerie. Quel genre de chose? Donne une définition claire. C'est un organisme. Ouvre le sas. Attends une minute. Si nous le laissons entrer, l'appareil peut être infecté. Tu connais la procédure de quarantaine. 24 heures de décontamination. Il peut mourir en 24 heures. Ouvre le sas. Écoute-moi, si on n'applique pas la quarantaine, on peut tous mourir. Enfin, est-ce que tu vas ouvrir cette saloperie de sas? Il faut tout de suite le faire entrer. Non. Je ne peux pas. Et si vous étiez à ma place, vous en feriez autant. Ripley, c'est un ordre. Ouvre immédiatement le sas. Oui. Je te dis que c'est un ordre. Tu as entendu? Oui, j'ai très bien entendu. La réponse est négative. Dedo, pouvez-vous résumer Alien à une personne qui ne l'aurait pas vu? Oh, c'est dur. C'est dur et en même temps pas tant que ça. Ce qui est intéressant dans Alien, c'est que donc on a une menace extraterrestre qu'on découvre au fur et à mesure du film, donc du déroulement, dans un vaisseau spatial qui erre dans l'espace à travers un équipage qui se réveille d'une sorte de biostase et qui ne sait pas trop. On sait rien en fait des protagonistes, ce qui est très intéressant pour un film de cette époque parce qu'on est complètement immergé dans le genre avant tout. Et qu'on se retrouve à découvrir ces personnages et à découvrir en même temps que ce qui va leur arriver. C'est un film qui fait totalement partie du genre, qui a été séminal pour beaucoup de raisons et qui a quelque part réuni pour la première fois avec le grand public le film de SF et l'horreur dans un brio incroyable. Nicolas Martin, à la base, il y a un scénario de Dan O'Bannon. Absolument, il y a un scénario de Dan O'Bannon. En fait, il y a plein. On parle évidemment de Ridley Scott, on parle beaucoup, on en parlera évidemment de l'importance du rôle de Sigourney Weaver en 1979, première femme héroïne d'un film d'action qui transforme le genre, qui transforme la science-fiction, qui transforme les films d'horreur. Quand on se replace un peu dans le contexte cinématographique de l'époque, la science-fiction, c'est une science-fiction hyper positive. C'est du space opéra, c'est Star Wars, c'est Star Trek à la télévision, c'est Flash Gordon. On est dans quelque chose d'extrêmement lumineux, de l'exploration, quelque chose qui renvoie un peu à ce mythe des frontières toujours repoussées par la conquête américaine. Là, c'est l'inverse. Là, c'est l'intrusion. On est dans le mouvement exactement opposé à celui, justement, du Far West spatial. C'est au contraire du home invasion, comme on dit, c'est-à-dire de l'invasion du domicile par une créature. Et comme vous le disiez, comme le disait Dedo, qu'on ne voit pas parce qu'on est toujours, la caméra de Ridley Scott est toujours à côté de ces personnages, elle est toujours à côté de l'équipage. Et donc, on est complètement prisonnier de ce vaisseau labyrinthique, sexuel, horrifique, qui est celui du Nostromo. Et alors le scénariste Dan O'Bannon initialement travaillait sur Dune, le film avorté de Jodorowsky, hein, dont on a parlé justement dans le blockbuster consacré à Dune. Hein, hop, on se fait des liens hypertextes. Et comme le film ne se fait pas, Dan O'Bannon, qui a immigré en Europe le temps de ce tournage, se retrouve sans le sou et obligé de revenir aux États-Unis et de fournir un scénario très rapidement pour pouvoir gagner sa vie. Et du coup, c'est ce qui va produire ce scénario. Je crois d'ailleurs que il y a une novélisation du scénario de Dan O'Bannon qui a été repris et je crois qu'il faut vraiment mentionner l'importance de la rencontre entre Ridley Scott et l'univers de H.R. Giger, l'artiste suisse, qui va d'un seul coup transformer et charnéliser en quelque sorte cet univers, c'est-à-dire qui va rendre cet univers de science-fiction un peu froid, un peu métallique, comme quelque chose d'au contraire de très organique et de très sexuel, et qui va modifier en profondeur un peu l'idée originale qu'avait Dan O'Bannon. O'Bannon et Giger s'étant rencontrés également sur la pré-production de Dune également. Et comme on peut le voir d'ailleurs dans le délicieux documentaire et merveilleux documentaire de Jodorowsky's Dune qui raconte cette espèce de projet, mais vous en aviez parlé Frédéric dans cette émission, qui est effectivement ce projet complètement tentaculaire et fou avec Mick Jagger, avec Orson Welles, enfin bref, Dali. Il faut voir ce documentaire qui est... Oui, il y a Dali qui était complètement fou. Célia Sauvage, initialement, le rôle du héros dans Alien était destiné à un homme. Et tout d'un coup, il y a eu changement comme ça de modèle. On a opté pour Sigourney Weaver. Je pense que ça se sent en plus dans le film. Vraiment, il y a toutes ces espèces de transitions un peu narratives où c'est d'abord un film centré principalement sur des hommes et progressivement, parce que les hommes aussi abandonnent entre guillemets leur pouvoir et sont totalement inefficaces face à la bête, progressivement le film laisse la place à une héroïne un peu accidentelle comme ça qui prend place et qui prend force. Et je pense que ça se voit vraiment comme ça dans le scénario aussi. Et d'ailleurs, est-ce que le succès d'Alien, parce que c'est une saga culte, particulièrement les trois, et on peut même aller jusqu'à quatre premiers, ça tient énormément au personnage d'Ellen Ripley et à Sigourney Weaver. C'est vraiment une franchise qui est indissociable de cette actrice. Et je pense qu'en plus, elle a lancé le fait que justement, une franchise pouvait tenir sur les épaules aussi d'une actrice. Et après, on a par exemple Halloween qui va faire ses cartons et où l'actrice encore aujourd'hui continue à tourner pour la saga. Et ça, je pense que ça a été assez important. C'était un peu bouleversement comme ça à Hollywood. On se dit, bon, une star féminine n'est pas forcément juste une star occidentale d'un succès. Et on peut monter financièrement aussi une franchise littéralement sur le personnage de Sigourney Weaver. Si on voit vraiment, par exemple, la réception sur les deux derniers, Prometheus et Covenant, une grande partie des fans ont tendance à les mettre de côté en disant bon, ça vaut pas quand même les premiers, même si Noomi Rapace a quand même eu une grosse réception et a été plutôt assez aimée du public, et donc on retrouve le même phénomène dans ensuite Covenant, dedans, mais où est passée Noomi Rapace, enfin pourquoi la resacrifier une seconde fois. Noomi Rapace étant l'actrice qui joue également dans Millennium, voilà, actrice très très très très douée, très typée, et qui a joué dans les deux derniers opus de la saga Alien qui s'appelle Prometheus et Covenant. Je crois que ce qui est intéressant dans ces deux derniers opus, c'est que Ridley Scott fait justement complètement un retour, parce qu'on peut parler de la féminité, de la masculinité toxique, hein. Alien, cet extraterrestre phallique qui cherche à pénétrer par l'intérieur. On est vraiment dans une symbolique sexuelle très très forte, là, comme je le disais tout à l'heure, très inspirée de Giger. Dans les deux nouveaux, dans la reprise de cette saga par Ridley Scott, on voit que le personnage central n'est plus effectivement celui d'une femme forte, de Noomi Rapace, mais celui de l'androïde David, et qu'on va chercher d'une sorte de maternité contrariée qui est celle d'Alien, puisque les quatre épisodes, là je me retourne vers Célia, mais c'est vrai que ces quatre épisodes parlent de l'impossibilité d'avoir une fille, d'être en tout cas enceinte ou de donner naissance, de donner la vie. C'est cette maternité contrariée qui va aller jusqu'à la symbiose avec la créature. Dans les deux derniers, David, lui au contraire, c'est cette espèce de paternité démiurgique, toxique, qui veut à tout prix réussir à se reproduire et à créer des monstres en fait, en quelque sorte. Surtout qu'elle a été assez mal reçue d'ailleurs par les fans qui ont reproché, même si on aime beaucoup l'acteur Michael Fassbender, donc qui incarne le robot David, les fans ont quand même beaucoup reproché justement ce recentrage de nouveau sur un acteur, alors que de facto en plus quand Covenant et Prometheus sortent, on est quand même sur une vague comme ça de blockbuster où on essaie de mettre en avant quand même des héroïnes aussi parce que le public le demande. On n'a pas trop compris le retournement de Scott qui à un moment donné a un peu loupé le coche de la modernisation. Scott est d'accord sur le fait qu'il ait loupé le coche. Scott veut faire en sorte que en fait il montre si que les humains en fait sont assez stupides dans leur développement, et c'est vraiment un parti pris. Je pense que effectivement les deux derniers sont assez bancals à ce niveau-là, mais c'est vraiment une volonté de montrer qu'en fait l'humanité fait n'importe quoi et qu'au final ça se retourne contre eux. Après le changement de direction qu'il y a eu dans Covenant et dans Prometheus vient du fait qu'il a jamais vraiment assumé la direction qu'a pris Cameron ensuite. Il avait voulu aller vers quelque chose d'autre. Il a pas aimé que en fait Cameron impose cette idée d'une reine qui donne naissance à des œufs et tout, donc il a voulu revenir sur sa propre genèse, pour le meilleur et pour le pire. On va continuer de parler de la saga Alien, mais pour le moment, on va écouter Björk avec Earth Intruders. twigs and branches. C'était Björk, que vous êtes bien dans Blockbuster sur France Inter. Bishop, tout ça c'est très intéressant, mais ça ne nous avance pas vraiment. J'ai besoin de savoir à quoi nous sommes confrontés. Résumons ce qu'on sait. Ils attrapaient un colon, ils l'amenaient jusqu'ici et l'immobilisaient pour lui pondre dans le corps ses saletés. Il s'ensuit qu'il doit y avoir un grand nombre de ces embryons parasites, n'est-ce pas? Un pour chaque colon, ça en fait donc une centaine. Oui, ça semble correct. Bien, donc chacun de ces embryons provient d'un œuf, c'est ça? Alors d'où viennent les œufs? Qui les pond? Je suis pas sûr. C'est forcément une espèce qu'on n'a pas encore rencontrée. C'est pareil qu'un essaim de fourmis, quoi. Mais non, c'est seulement les abeilles qui ont des essaims, pas les fourmis. Oh, t'as bien compris. Ces trucs où c'est la femelle qui fait la loi. Oui, la reine. Ouais, c'est ça, la maman. Je suis toujours avec Célia Sauvage, docteur en études cinématographiques, Nicolas Martin, le producteur de l'émission La Méthode Scientifique à France Culture, et Dedo, auteur, comédien et co-créateur de l'histoire racontée par des chaussettes pour parler d'Alien. Alors, initialement, quand Alien a été écrit, le film s'appelait Star Beast. Ce qui sonne moins bien. Oui, Star Beast, voilà. Devait être tourné par Walter Hill, qui a réalisé ensuite 48 heures, Les Guerriers, Warriors, et qui a refusé de le faire parce qu'il ne se sentait pas à la hauteur des effets spéciaux. Donc, comment Ridley Scott s'est retrouvé investi de ce projet? Qui en parle? Des dons. Ridley Scott, en fait, le projet a été refusé par beaucoup de gens parce que, il devait juger aussi que ça tiendrait peut-être pas la route à l'écran. Et Ridley Scott, lui, a cru et a réussi à tomber sur le scénario par la force des choses. Et s'est investi corps et âme dans le projet, dans le sens où il a même storyboardé entièrement tout le film pour convaincre la Fox qu'il en avait les épaules. Et du coup, la Fox a été tellement, le président de la Fox de l'époque a été tellement abasourdi par ce qu'il avait vu qu'il a même doublé le budget du film. Donc à partir de là, il a eu un peu plus de les coudées franches pour pouvoir travailler et il en a fait une sorte de référence du film low-tech. Voilà, contraire du high-tech en fait, où justement tout est épuré, mais tout est justement beaucoup plus âpre et beaucoup plus visuellement fort. Nicolas Martin. C'est-à-dire qu'il prend vraiment à revers ce qu'est l'imagerie de science-fiction de la fin des années 70. Dans l'imagerie de science-fiction, on met beaucoup d'effets spéciaux. Prenons le modèle type Star Wars, on met beaucoup d'effets. On montre au maximum, on essaye de dérouler un paysage fictionnel devant les yeux du spectateur. Dans Alien, pour des raisons budgétaires, mais pas uniquement, Ridley Scott prend le parti pris complètement inverse. On est sur des champs extrêmement courts, on est toujours dans de la semi-pénombre, dans l'obscurité, on est dans des couloirs, on ne distingue rien, on n'a jamais de vue d'ensemble. Évidemment, on va en reparler, mais on ne voit quasiment jamais la créature, on ne fait que l'apercevoir. Et donc du coup, c'est avec finalement ce manque de budget et cette idée de storyboarding qui apparaît dès le départ, qui crée ce labyrinthe intérieur du Nostromo et qui crée finalement l'atmosphère hyper oppressante du premier film en tout cas. Célia Sauvage. Et ce qui est intéressant aussi dans la genèse d'Alien, c'est cette espèce de contradiction qu'il y a eu aussi autour de la construction de l'auteur aujourd'hui. Ridley Scott, c'est un hyper auteur, c'est quelqu'un qui est extrêmement connu, dont la marque est facilement reconnaissable. Mais comme du coup on l'a dit, c'est pas un auteur connu à l'époque. Il sort un premier film, Les Duellistes, qui est quasi passé sous silence, même si aujourd'hui il y a eu un retour un peu culte autour du film, mais le film est très très peu distribué. Donc c'est quelqu'un qui a pas de nom du tout dans l'industrie. Avant lui, O'Bannon sort aussi, on en a pas parlé, mais un peu d'une crise personnelle où il travaille du coup sur le scénario avec Carpenter dans son premier film d'études Dark Star, et Carpenter refuse qu'O'Bannon soit aussi cité comme co-réa, ce qui fait qu'O'Bannon est très fâché, se met après à travailler sur Dune et donc avec tout l'échec de Dune. Donc O'Bannon cherche aussi à se faire un nom, propose le scénario à Corman, qui donc à l'époque un immense réalisateur mais de série B quand même assez cheap et connu d'un hyper petit nombre de cinéphiles comme ça, des films d'horreur. Corman n'est pas sûr que le film marche, le donne à Walter Hill, qui est aussi pas non plus un immense réalisateur hors c'est de la sphère un peu cinéphile. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, le mythe voudrait qu'à un moment donné, quelqu'un aurait jeté le scénario par-dessus la fenêtre et s'est dit, bon, bah, on verra bien qui va le récupérer. Et Scott serait passé par là et l'aurait récupéré. Je pense que le mythe veut juste dire, voilà, personne n'en voulait de ce scénario. Et comme Ridley Scott n'est pas quelqu'un de connu, on s'est dit, bon, on peut lui donner absolument sans budget. Face à lui, il y avait quand même Star Wars, il y avait quand même beaucoup plus de budget. Où on passe vraiment comme ça, espèce d'immense blockbuster, et effectivement Alien est parti avec un budget absolument ridicule, et on s'est dit on verra bien ce que ça donne. C'est vrai que c'est intéressant de parler de Star Wars, parce que Star Wars a ouvert la voie justement à ce genre de film. Star Wars qui a créé en 77 le Space Opera, et Ridley Scott crée en 79 le Space Aurora, quelque part. Le Space Aurora, oui. Et Ridley Scott revendique en termes d'influence notamment le magazine de bande dessinée français Metal Hurlant, et dans lequel il a repéré Jean Giraud, Mobius, qui va également travailler sur certains designs du film. C'est quelque chose que j'ai appris en travaillant sur l'émission. Mobius a travaillé sur Alien, c'est un truc de dingue. Bah ouais, on a tous, surtout sur Alien, on a tous justement la vision de Giger très fort, que Mobius ait travaillé dessus. Ça prouve à quel point il y avait des forces vives qui ont réussi à faire aboutir un projet. Il y a jamais vraiment de hasard dans le cinéma, et même si au départ justement à beaucoup de postes il y avait des gens qui n'étaient pas encore des stars, la plupart en sont devenus. Il faut aussi parler de Brian Johnson, qui s'occupait justement des SFX et qui a derrière gagné l'Oscar des meilleurs effets spéciaux, encore eux, en 79 pour ce film là quoi. Et Meryl Streep était pressentie pour le rôle de Ripley. Ah ouais, tiens, ça je savais pas. Moi non plus, je l'apprends. Et oui. Je crois qu'elle ne voulait pas être en petite culotte à la fin du film et qui tenait à tout prix à cette scène à la fin. Ils se sont dit, bon, on va mettre une actrice qui acceptera après tout et qui ne dira rien. Et je pense que Meryl Streep était trop famous pour pas négocier cette partie du contrat, entre guillemets. Sigourney Weaver qui venait du théâtre et donc c'était le premier film. Ouais, je pense que c'était vraiment le premier film à peu près pour beaucoup de gens aussi, dans ce côté un petit peu on va expérimenter avec des gens un peu dociles, on verra bien potentiellement et Scott et Weaver et la majorité d'équipe, plutôt des gens assez finalement entre guillemets ou peu connus ou un peu en bas de l'échelle, et puis progressivement sont remontés. Je pense que c'était la grande facilité d'Alien. C'est vrai que du casting est quand même sorti déjà William Hurt, qui a ensuite été oscarisé pour Elephant Man, et puis Yann Holm. Oui, exact, Yann Holm. Et puis Lance Henriksen. Lance Henriksen dans le 2. Qui a fait Millennium ensuite. Véronique Cartwright aussi. Oui, bien sûr. Qui d'ailleurs, il paraît, alors ça c'est aussi, ça fait partie des légendes du film au moment de la scène de l'accouchement. paraît qu'elle n'était pas au courant. Elle n'était pas au courant. Voilà, et que elle s'est vraiment pris une giclée de sang, et donc le plan qu'on a, c'est qu'elle est vraiment surprise et qu'elle a vraiment la trouille. Pareil pour William Hurt. Alors, je suis entouré par des experts, mais l'êtes-vous vraiment ? Vous l'avez deviné, c'est le moment du détecteur de mensonges. Je vais vous poser des questions extrêmement pointues concernant Alien. Serez-vous y répondre ? Dans la bande-annonce d'Alien, il est dit que dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Est-ce que vous pensez que la SNCF devrait étudier cette solution pour le wagon famille ? Possible. Faudrait d'ailleurs envoyer tous les gens et toute la SNCF dans l'espace, comme ça, ça se passerait mieux, tout le monde arriverait à temps. Maintenant que Disney a racheté la Fox, le studio créateur d'Alien, d'après vous, combien de temps avant qu'on voit Alien versus la Reine des Neiges ? Ah, c'est encore plus effrayant que tout ce qu'on a pu voir dans la saga. Plus de 70 ans que je sois mort, s'il vous plaît. Dans Alien 1, Ellen Ripley refuse de faire monter Kane à bord du Nostromo parce qu'il est infecté. Personne ne l'écoute, tout le monde meurt. Dans Alien 2, elle explique aux marines qu'ils ne sont pas de taille contre les xénomorphes. Personne ne l'écoute, tout le monde meurt. Dans Alien 4, Ripley explique que c'est une très mauvaise idée de l'avoir clonée elle et de vouloir ramener le xénomorphe sur Terre. Personne ne l'écoute, tout le monde meurt. Est-ce que Ripley est aux aliens ce que Greta Thunberg est au réchauffement climatique ? J'espère pas, parce que sinon tout le monde va mourir. Je repense à la Reine des Neiges, remarque, libérer, délivrer, ça fonctionne avec Alien. Ah oui, ça marche, c'est vrai. C'est vrai que c'est une belle mise en abîme. Et là, quelque part sur cette terre, il y a un scénariste qui dit « Eh mais oui non. Ok, banco !» Bon, alors que ne sorte pas cette émission. Ah non, c'est en direct, putain. Vous connaissez le principe, une émission, c'est des rendez-vous. Et là, tout de suite maintenant, on a rendez-vous avec Film Noir, qui nous interprète La Mariée. Cette émission est réalisée par Céline Hila, à la programmation musicale Elsa Béranger. Marie Mougin, Chloé Brassière, Prudence Castelot ont préparé cette émission aidée par Aurore Mansip. Et à la technique aujourd'hui, Clément Vuillier et Michel Bézikian. C'était Film Noir sur France Inter. Frédéric Sigrist. So far, so good. Blockbuster. sur France Inter. Bishop, je veux que ces spécimens soient détruits dès que vos analyses seront terminées, c'est clair? Monsieur Burke a donné des ordres, je dois les préserver en vie et les livrer dès notre retour au labo de la compagnie. Ces deux créatures, elles valent des millions dans le domaine des armements biologiques. Alors, si vous jouez le jeu, vous et moi, on pourra rentrer en héros et on sera riches pour la vie. Vous croyez que vous réussirez à faire entrer ces créatures malgré l'astro-quarantaine? Ils les laisseront passer, ces créatures ne sont pas répertoriées. Et moi, j'expliquerai tout, Burke. Ne rêvez pas, ça il reste. On saura que vous avez été responsable, vous seul, de la mort des 157 colons qui étaient ici. Minute, attendez. Vous les avez expédiés droit à la mort. Non, c'est alors, faux. J'ai lu leurs archives sur ordinateur. Directive en date du 6 décembre 79, signée Burke, avec votre code. Vous avez envoyé ces malheureux ici sans leur dire quoi que ce soit. D'accord. Pourquoi ne les avez-vous pas prévenus? Réfléchissez. Qui aurait pu affirmer que tout ça existait? Qu'il y avait des monstres ici? Je ne savais rien. Bon, alors admettons que je clame partout qu'il y a des risques pour la sécurité ici. Tout le monde s'en mêle. L'administration s'en mêle. Les droits d'exclusivité disparaissent. Bon, et tout le monde y perd. Alors j'ai pris cette décision. Et c'était mal pensé. J'ai mal joué, Ripley. Oui, j'ai mal joué. Mal joué? Oui. Mais ces pauvres gens sont tous morts! Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ici? Mais je vous promets que je ferai tout le nécessaire et vous paierai pour ça. Ce coup-ci, vous ne réussirez pas à vous en sortir. Vous allez payer. Ripley. J'attendais un peu mieux de votre part. Je croyais que vous seriez plus futé que ça. Ah. Eh bien, je me ferai un plaisir de vous décevoir. Nicolas Martin, il y a une dimension éminemment politique dans Alien. Absolument. D'ailleurs, la scène d'ouverture du premier, c'est une réunion. Donc, ils sont réveillés à cause de ce signal de détresse qui va les emmener sur la planète funeste. Et il y a cette espèce de scène assez formidable où c'est vraiment les prolétaires de l'espace. C'est-à-dire que c'est des mécaniciens, c'est vraiment des petites mains de cette compagnie qui viennent et qui discutent toute cette première scène où on parle de la prime, de combien on va gagner, de ce qui va se passer quand on va rentrer. Et c'est là aussi que O'Bannon et Scott prennent vraiment le contre-pied total de ce qu'est et de la façon dont le cinéma raconte la science-fiction et l'espace. L'espace, c'est l'élu, c'est Luke Skywalker, c'est des reines, c'est des rois, c'est des princes cachés, c'est des dynasties. Là, pas du tout. Là, ce sont des ouvriers, des petites mains, de la chair à canon, puisque c'est ça qui va se passer. On va les envoyer et comme le découvrira Ripley dans l'ordinateur, bien leur vie ne sont pas importantes. Il faut ramener le spécimen et c'est la revanche effectivement de ces prolétaires de l'espace contre une grande compagnie qui pense que finalement leur vie ne vaut strictement rien. C'est d'ailleurs la métaphore prolétarienne se décline sur la saga, sachant que justement dans Aliens de Cameron, on repart sur les mêmes choses avec une reine, des ouvriers et on continue quelque part de développer cet arc-là en sous-texte. Alors, cette dimension politique de Ridley Scott, il l'a un petit peu abandonnée ensuite avec Prometheus et Covenant, où il a voulu raconter l'origine de son célèbre monstre, et tout révéler, était-ce finalement une bonne idée? Certains n'ont pas aimé. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. J'ai trouvé le film d'un ennui et d'une exaspération profonde. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais parce qu'en fait, le film a une facture de jeu vidéo. Moi, je vois une structure un peu plus proche du film pornographique. Il a un scénario très lourd. On promet un film où il va y avoir le grand retour du monstre effrayant, de l'horreur, de plus en plus explicite. Et donc il faut régulièrement une attaque assez de pénétration, on peut assez le dire, subite, hein. Avec aussi toutes sortes de pénétrations, très mal filmées, très mal montées, de façon hyper hachée, on ne comprend à peu près rien ce qui se passe. Et puis c'est fait et on peut retourner. Alors dans le pathos et l'affliction, c'est encore de la part de Ridley Scott un désir et voire une volonté de récupérer tout ce qui a été fait antérieurement encore pour, je pense, faire la boucle jusqu'au premier Alien qu'il fera peut-être. D'abord, il m'a semblé que prendre Ridley Scott pour un auteur serait trop attendre de lui. C'est quand même un film pornographique très déséquilibré, c'est qu'il y a des scènes de dialogue et d'explications extrêmement longues. Et alors, c'est d'un ennui total, parce que ce qu'on voit est pas beau, les explications sont assez lourdes, le mystère s'envole, et tout ce qui est verbeux dedans devient extrêmement pompeux. C'est d'une platitude, ce qui voudrait être profond et nous emmener dans des réflexions philosophiques et vraiment du degré zéro de l'habillage publicitaire. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Célia Sauvage, Prometheus et Covenant, qu'en pensez-vous personnellement en tant que spectatrice? Alors, je préfère quand même Prometheus, on avait un petit débat en antenne sur ça. Moi, je préfère quand même Prometheus parce que visuellement, je le trouve quand même peut-être plus intéressant. Après, les deux scénaristiquement, j'ai décroché. Je me suis fait expliquer vraiment toute la mythologie par mon frangin qui est beaucoup plus calé que moi et qui a essayé de m'expliquer. Au bout de 10 minutes, j'avais toujours pas compris les différentes relations entre les différents aliens, tout l'aspect philosophique, etc. J'ai vraiment décroché. Après, je pense que ça fait partie aussi d'une volonté de Scott de peut-être d'avoir voulu faire plaisir aussi à son public, de voir notamment si on va sur les forums de fans. Et il y a aussi toute cette mythologie qui a été recréée par les fans, qui est finalement assez éloignée de ce qu'il a voulu faire après derrière, parce que lui-même, je pense, s'en mêle parmi tout ça. Mais je pense qu'il y avait aussi cette volonté de faire plaisir aux ultra fans et d'essayer de créer quelque chose d'hyper précis et donc d'enlever une grande partie aussi du succès du mystère, quoi. Ça lance un débat intéressant aussi sur, au bout d'un moment, quand quelque chose devient un phénomène, surtout une telle mythologie, à qui ça appartient ? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les fans veulent récupérer ça et ils veulent s'approprier un matériau qu'ils pensent mieux connaître que le créateur. Et on en a des déclinaisons jusqu'à Game of Thrones actuellement qui créent des débats. Enfin bref. Et justement, cette idée d'appartenance. Car quand on regarde la création d'Alien, il y a énormément de talents qui se sont penchés sur cette histoire. Il y a Dan O'Bannon, Walter Hill, Jean Giraud, H.R. Giger, mais ensuite James Cameron, qui arrive avec Aliens et qui crée cette mythologie avec la reine. Voilà, c'est cet affrontement entre Ellen Ripley et la reine Alien dans un exosquelette immense comme ça à la fin du film. Ensuite, il y a David Fincher qui lui aussi amène quelque chose d'autre avec cette planète prison sur lequel Ripley sera la seule femme. Jean-Pierre Jeunet également. Donc finalement, est-ce que Alien appartient véritablement à Ridley Scott, ou c'est pas quelqu'un qui essaie de surfer sur le film qu'il a fait connaître, en fait? Alors, je sais pas s'il essaie de surfer sur le film. Je crois qu'il avait effectivement très envie de retourner, de compléter cette mythologie. Il faut rappeler que Ridley Scott a coupé l'herbe sous le pied à Neil Blomkamp, qui voulait réaliser un Alien 5 avec Sigourney Weaver, qui avait commencé à faire des travaux préparatoires qui étaient assez alléchants, ma foi. Mais il a voulu dire, en tout cas, Alien, c'est mon bébé, pas touche. Ensuite, moi je trouve que le génie de Scott et de tous les gens, mais de Scott au départ et d'O'Bannon certainement, puisque c'est eux qui ont travaillé sur le premier, et de Giger aussi, c'est d'avoir créé une mythologie qui évidemment n'appartient plus à personne et qui devient une vraie mythologie populaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on ait vu ou non Alien, on sait ce que c'est qu'Alien. C'est-à-dire qu'Alien aujourd'hui a été complètement phagocyté par la culture pop et quelles que soient d'ailleurs les générations. Et je pense que le vrai génie, je vais revenir là-dessus, c'est marrant parce qu'on entendait là dans le petit montage que vous avez fait des gens qui aiment pas Prometheus, et je veux dire que je suis pas non plus très très fan de Prometheus, et je trouve en revanche, contrairement à Célia, qu'il y a des choses plus intéressantes dans l'horreur pure de Covenant, qui renoue avec un fil qui avait pas été tout à fait entamé par aucun des réalisateurs précédents, c'est-à-dire vraiment l'horreur brutale, violente, gore. On entendait dire c'est une structure de film porno. Or, qu'est-ce que c'est que le premier Alien, sinon un grand traumatisme pornographique? Enfin, je veux dire, c'est tout de même une créature qui ressemble à un vagin, qui a une sorte de pénis qui rentre à l'intérieur pour pondre à l'intérieur du ventre, et qui va donner naissance à une créature qui ressemble aussi à un phallus géant, et tout ça dans une relation totalement oedipienne, hyper malsaine, avec un ordinateur qui s'appelle Maman, et qui va sacrifier ses propres enfants. Enfin, c'est ça qui fait que la mythologie d'Alien est aussi puissante, c'est parce qu'elle est profondément malsaine, perverse et oedipienne, et ça, moi, je trouve que c'est ce qui fait le talent et l'horreur, la crainte viscérale que procurent ces films. Célia Sauvage. D'un point de vue industriel, ce qui est intéressant aussi, surtout là sur les deux derniers, par rapport à cette question de l'auteur, c'est aussi cette idée que dans le premier, c'est un film qui a révélé Ridley Scott, mais dans le deuxième, comme on l'a dit, c'est aussi un film qui a permis à Cameron de vraiment sceller aussi sa place à Hollywood, Fincher ensuite de sortir de la publicité, de sceller sa place à Hollywood, et Jeunet de sortir du côté un petit peu bobo parisien, pas connu à l'international. Et je pense que là où Scott se trompe dans les deux derniers, c'est qu'il n'a pas compris que l'intérêt de la saga aussi a toujours été de montrer ce qu'on appelle à l'époque le début des blockbusters high concept, donc avec un haut concept, et de voir comment quelqu'un qui n'est pas connu peut réussir à se créer une patte d'auteur, entre guillemets. Or, quand Scott revient dessus, sa carrière est faite, entre guillemets. Il peut toujours nous prouver des choses, mais sa carrière était faite. Et là où il se trompe, c'est que l'exercice à l'époque, et jusqu'à je n'ai compris, et c'est là où ça aurait été bien qu'on ait quelqu'un d'autre d'arriver, c'est de voir comment un concept qui est plus grand peut-être qu'un auteur peut montrer justement le génie d'un nouvel auteur qui est capable de se réapproprier et pas se faire avaler comme tous les réalisateurs qui se font avaler par Hollywood aujourd'hui, enfin, qui est capable de citer les derniers réalisateurs des gros blockbusters, pas grand monde, qui sont plus avalés par le concept qu'autre chose. Qui êtes-vous ? Ripley Hélène, lieutenant de première classe. Matricule 36706. Hélène Ripley est morte il y a 200 ans. Tu n'es pas elle. Qui suis-je ? Tu es une chose, une abstraction, une expérience de laboratoire. Ils sont arrivés à te le sortir du corps. Non, pas tout à fait. Oui, je le sens, là. Derrière mes yeux. Et je l'entends bouger. Oh, alors aidez-moi à empêcher ce monstre de s'échapper. C'est trop tard. Tu ne l'arrêteras pas. C'est inévitable. Est-ce qu'une des clés de la réussite d'Alien, c'est pas avant tout le personnage d'Ellen Ripley ? Ce personnage qui est l'incarnation d'un féminisme qu'on voit assez rarement au cinéma et même au regard des blockbusters modernes. Célia Sauvage. Ce qui est intéressant, c'est si on voit vraiment l'évolution du personnage, ça en dit long aussi sur l'évolution du féminisme vu par Hollywood à l'époque. En 79, elle est tout aussi impersonnelle que le reste de l'équipe. C'est-à-dire qu'elle est nommée par son nom de famille, elle n'a pas de prénom. Voilà, elle s'appelle Ripley et c'est tout. Elle a le même costume, le même uniforme que tout le reste de l'équipe. Et le seul moment d'ailleurs où elle est un petit peu féminisée, où elle se retrouve en petit Marcel et petit slip, le moment où elle sera la plus vulnérable et potentiellement le plus en danger face à l'alien. Et progressivement, on voit dans le deuxième, on est en pleine période Reagan, on est en 86, il faut rendre le personnage peut-être un peu moins neutre d'un point de vue genré. Et donc, on tente de la mettre face à cette question de la maternité. Que fait Ripley lorsqu'elle va devenir une mère? Soudainement, elle va adopter comme ça une jeune fille. Et dans le troisième, bon, la maternité, on apprend dès le début, a totalement manqué. Donc, je spoil un peu, mais on comprend que la petite qu'elle a adoptée meurt. Donc la maternité est un échec. Donc on repart dans les années 90 avec cette nouvelle idée aussi des femmes de nouveau un peu plus neutres, beaucoup plus badass. Donc là, elle se rase les cheveux. Mais c'est aussi le premier dans la saga où on apprend son prénom, où soudainement elle s'appelle Hélène. Mmh. Qui de nouveau aussi la rend beaucoup plus vulnérable. Et ce qui est le premier film aussi, après apprendre son prénom, elle a un rapport sexuel avec un médecin où soudainement elle se sexualise elle-même. Bon, bim, de nouveau, elle est extrêmement fragilisée. Le médecin se fait tuer immédiatement. Elle se retrouve nez à nez, plaquée contre le mur par l'alien. Donc on retombe dans le quatrième à une forme encore d'ambiguïté où on la rend de nouveau beaucoup plus ambiguë, mais cette fois-ci, parce qu'on est à la fin des années 90, on reprend un peu, peut-être presque en avance, on peut peut-être accorder ça à Genet, mais toute l'ambiguïté un petit peu queer ou espèce de relation un peu hyper ambiguë avec Winona Ryder dans tout le film. Donc on ne sait pas très bien d'ailleurs si c'est un android mâle ou femelle. Le genre de Winona Ryder reste très, très, très obscur pendant tout le film. Et je trouve ça vraiment intéressant, vraiment tout ce rapport, espèce d'ambiguïté où elle n'est pas totalement ou ultra féminine version Wonder Woman aujourd'hui ou version Katniss par exemple dans Hunger Games, et elle n'est pas non plus totalement masculine version Sarah Connor dans Terminator ou toutes les femmes d'action qui ont comme ça émergé dans les années 90. Elle est vraiment ambiguë pendant toute la saga, et c'est vraiment ça je pense aussi la grande force aussi du film, d'avoir permis à un personnage d'être à la fois les deux et de pouvoir négocier sa masculinité et sa féminité. Et c'est intéressant parce que c'est assez sexualisation, en fait, elle a été voulue à la base par Ridley Scott dans le premier, mais il n'a pas pu l'exploiter cette idée à l'époque. Mais il a dit dans des interviews ensuite que c'est quelque chose qui, s'il en avait eu la possibilité, il aurait mis en place ça. Que la promiscuité entre les gens de l'équipage aurait pu, dans son imaginaire, créer des relations homosexuelles et lesbiennes. Donc tout ça vient rejoindre cette idée de on ne sait pas qui est qui veut aller vers quoi, et vient entourer une nouvelle fois cette aura de mystère qui règne autour du mythe. Nicolas Martin. Oui, moi j'aimerais réhabiliter un peu le film de David Fincher qui est très très mal aimé, qui a été un développement de elle, comme on dit, c'est-à-dire que il y avait un scénario, ça devait être des moines à l'origine, ça a été complètement réécrit, ça a été changé, William ça a Gibson, été coupé. Il y a un making of qui est hyper intéressant. Le making of est passionnant, et la version finalement, alors il y a une version longue que moi je trouve complètement ratée, qui est pas du tout celle de David Fincher, hein, c'est pas un director's cut. Mais la version originale, la version cinéma, finalement, je trouve qu'il arrive à s'en sortir et à produire un film qui, là aussi, rajoute une pierre à l'édifice de la mythologie alien. Et ce personnage, cette ultra-masculinisation de Sigourney Weaver, d'Hélène Ripley, dans un monde qui est peuplé de détenus, de délinquants sexuels, de violeurs qui ont tous, on explique, deux gènes Y, qui sont tous donc eux-mêmes des monstres, et comment d'un seul coup sa monstruosité, c'est-à-dire d'être la seule femme parmi des hommes qui sont des super hommes pervers, dégoûtants, en étant elle-même d'un seul coup mère, puisqu'on va apprendre très vite que effectivement la petite fille du 2 est morte, mais qu'elle a été inséminée et qu'elle attend elle-même une reine qui est à l'intérieur de son ventre. Et je trouve que finalement cette espèce de fil très très pervers de rapport entre l'hypramasculinité et la destruction de la féminité et de la maternité, je trouve ça assez passionnant en fait. Et ce qui est fou, c'est que c'est d'autant plus avant-gardiste que Ripley devient dès 79 un mâle alpha parmi les mâles alpha, c'est-à-dire qu'elle devient en tant que femme leader totale, et ça sur tout le long de la saga. Même quand elle est clonée, elle devient quelque chose de toujours supérieur aux autres, et ça c'est très fort dans et l'idée. Sans avoir à le prouver. Non, bien sûr, juste par ses actes et par sa personnalité forte. Célia Sauvage. Ce que je trouve aussi intéressant, enfin dès le premier, puis ça vient encore jusqu'au dernier, jusqu'à Prometheus et Covenant, c'est vraiment tout ce rapport, comment même d'un point de vue thématique, on va féminiser quelque chose qui est de l'ordre du genre ultra masculin de l'action, et on part de quelles sont les deux peurs de l'homme, et alors surtout post, on va dire 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick, où on a cette grande peur du remplacement, où l'homme sera remplacé par une intelligence artificielle, mais malgré tout, dans tout ça, la femme, elle garde le privilège de son utérus, parce qu'un utérus, ça se clone pas, donc on peut tout cloner sauf ça, et donc on va essayer de transformer un peu cette idée, donc comment les hommes vont avoir peur aussi de la féminité, et comment dès le premier, les hommes vont subir ce que les femmes subissent de la part des hommes, et eux par des aliens, du fait que l'alien soit une figure très féminine, malgré la forme phallique, c'est le vagina dentata, le cordon ombilical qui écrase, le traumatisme de l'accouchement aussi, et ce que je trouve intéressant, c'est vraiment toute cette féminisation comme ça, où à la fois on critique totalement, comme on l'a dit donc dans le troisième, la perversité des hommes et en même temps la place de la femme dans tout ça. Alors dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur, mais avant cela, on écoute Tamino qui nous interprète Versus. Come babe, let love have this evening. come back, let love have this evening. C'était Tamino et maintenant on joue. Attention, qui vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Cyril au téléphone. Bonjour Cyril. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors, vous êtes fan d'Alien? Fan de pop culture en général. Alors film, BD, jeux vidéo, ouais, c'est beaucoup parfait. De BD. Mais vous savez qu'il y a une très très bonne émission les étés à France Inter qu'il faut écouter? Ah bah, ça tombe bien, vous l'écoutez déjà. Ah oh bah, ça tombe bien, j'écoute. Alors, vous connaissez le principe du jeu, je vais vous poser trois questions en 25 secondes chrono à peu près. Si vous ne pouvez pas répondre, que vous faites erreur ou que vous avez dépassé le temps imparti, vous avez le droit à un joker qui vous donne la possibilité d'être aidé par l'invité de votre choix. D'accord. C'est parti. On doit Alien à un tout autre projet de film de science-fiction avorté. Lequel? Réponse A, Les Sentinelles de Julien Mokrani et Alexandre Aja. Dune d'Alejandro Jodorowsky. Ou réponse C, Robot Apocalypse de Steven Spielberg. Au hasard, je dirais Dune de Jodorowsky. Eh ben, ça tombe bien, parce que c'est vraiment ça. C'est le projet d'adaptation avorté d'Alejandro Jodorowsky, un sujet auquel nous avons consacré une émission de Blockbuster oui. Il y a quelques semaines. Question suivante. Combien de réalisateurs se sont succédés pour la saga Alien? Et là, je ne donne pas de réponse. 4, si on compte pas Prometheus et Covenant. Et est-ce que vous pouvez me donner les noms? David Fincher, James Cameron, Ridley Scott... Et Jean-Pierre Jeunet. Formidable, formidable. Ouais, on a un gagnant potentiel là. Dernière question. Maintenant, on va vous diffuser un extrait d'Alien 3 en VO et il faudra deviner à qui est la voix de cet acteur. Hein, c'est un indice. Il a également joué dans Game of Thrones. On l'écoute. I'm on your side. I want to help, but I need to know what's going on or what you think is going on. Alors, Cyril? Clin d'œil, il reste Charles Dance. Eh ben, c'est une bonne réponse! Charles Dance qui jouait Tywin Lannister, le papa de Tyrion. Très très bon. Voilà. Bravo. Qui, voilà, très très très fort. Eh ben, Cyril, vous avez gagné Alien, le livre Alien, l'expérience interdite, paru aux éditions Huguin et Munin. Eh ben, super. Merci super. À vous. Et merci beaucoup pour votre émission. Bah, merci de l'écouter surtout. À bientôt. À bientôt, merci. Célia Sauvage, Nicolas Martin, Dedo, je vous remercie d'avoir ne serait-ce qu'effleuré la saga Alien, parce qu'il y a tellement de choses à dire. D'ailleurs, il y a un épisode qu'on oublie et que j'aimerais mentionner, parce que c'est un très bon épisode, c'est Alien Isolation, qui est un jeu vidéo qui se passe entre le premier et le deuxième, où on joue la fille de Ripley, et qui est vraiment un excellent, certes, la meilleure adaptation d'Alien en jeu vidéo. Il faut le faire, ça complète la saga, et c'est un très bon jeu. Et Alien a créé aussi, justement, derrière, un multi-univers avec des BD et plein de choses, et c'est vrai qu'on reconnaît ce phénomène de pop culture a justement la plupart du temps sa caricature ou sa parodie, et il y en a eu partout. Shinichiro Watanabe dans Cowboy Bebop a fait un épisode qui s'articule autour du mythe d'Alien avec un truc qu'ils ont retrouvé dans un frigo à un moment, et puis même dans les jeux vidéo quelque part Metroid, Samus Aran c'est un alter ego d'Alien Ripley, et comme par hasard sa némésis s'appelle Ridley, donc il y a pas de hasard. Célia Sauvage, un ajout? Non. Non, ça va. Merci. Sur la question du multi-univers, je suis assez d'accord. Après, même sur la question des fanfictions aussi, c'est un des tops en termes d'univers de fanfiction repris. Et juste, si vous voulez plus loin dans la saga, il y a Rocky Rama qui sort bientôt, spécial Alien, qui va être fabuleux. Voilà, très bien. Alors, cette émission touche à sa fin. Encore quelques secondes pour vous parler d'un blog de critique ciné très sympa qu'un internaute m'a fait découvrir. Ipkiss Critics, hein, ça parle non seulement d'actualité ciné, mais ça revient aussi sur un tas de films cultes. On va vous mettre un lien sur la page de l'émission. Comme toujours, chers auditeurs, si vous le désirez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète, le 01 56 40 30 20. Ou sur la page Facebook de l'émission. Et il y a également Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. Attendez, ça bouge. On dirait qu'il y a une vie organique. Et on se retrouve demain pour vous donner du bonheur en suédois, mais pas que. Demain, on parlera du groupe ABBA. Et après le journal, on retrouve Nadia Dam pour le débat de midi.